Bonjour, je suis Aimé Bonaparte. Cela fait maintenant quelques mois que vous découvrez quasiment chaque mardi matin une chronique originale que j'ai pris le soin de concocter dans les règles de l'art, de l'humour concret. Et ce, depuis que votre animateur préféré, Manu, m'a confié la lourde tâche d'apporter une touche d'humour à son émission. Mais soyons francs, vous savez comme moi, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, qu'en matière d'humour, Manu me surpasse partout. C'est pour cette raison que je suis fier de vous présenter en exclusivité ce matin sur Prune, tous ensemble s'il vous plaît, la chronique de Manu. La chronique de Manu. Manu, je t'en prie, top, c'est à toi. Cette chronique de Manu vous a été présentée par l'unité de divertissement de Prune.